Vous écoutez France Inter, il est pratiquement 17h. Laetitia Gaillet, c'est à vous pour les infos. Il avait disparu depuis le 8 septembre dernier du département de la Mayenne où il était assigné à résidence depuis 2015. Merwan Benhamed a été retrouvé en Suisse et interpellé. Connu pour ses compétences d'artificier et de chimiste, il avait été condamné à 10 ans de prison dans l'affaire des filières tchétchènes. Libéré en 2011, cet Algérien de 42 ans avait aussi participé à des actions du GIA dans les années 90 en Algérie. Concernant cette fois la Rossi Abala qui a tué un couple de policiers à Magnanville dans les Yvelines au mois de juin au nom du groupe État islamique. Le tribunal administratif de Versailles a décidé aujourd'hui de saisir le Conseil d'État sur la question du lieu de son inhumation. Son père souhaite qu'il soit enterré à Mantes-la-Jolie où il résidait, mais le maire Les Républicains, Michel Viellet, s'y oppose au nom du risque du trouble à l'ordre public. Depuis la mort de Mohamed Merah en 2012, l'inhumation des djihadistes fait souvent l'objet de tractations houleuses entre les mairies et les préfectures. Dans le reste de l'actualité, la religion au travail, 65% des salariés disent être confrontés à l'irruption de la sphère religieuse dans l'entreprise. C'est 15% de plus que l'an passé. C'est le résultat d'une étude publiée aujourd'hui. Alors comment ça se traduit sur le terrain? Eh bien, la chose n'est pas forcément toujours facile à traiter quand on est chef d'entreprise. Écoutez ce témoignage recueilli par Philippe Randé. Il s'appelle Hervé Baulme, c'est le patron d'Ecoder, une société d'insertion pour travailleurs handicapés. C'est pas toujours facile. Maintenant, j'essaye de les individualiser et donc d'être à l'écoute de la personne et d'essayer de me rendre compte si c'est vraiment une démarche personnelle, intime, ou si c'est de l'ordre de la revendication, du prosélytisme. Et donc, j'essaye de discerner en fonction de mon dialogue avec cette personne. Vous avez eu plusieurs demandes dans votre entreprise ? J'ai eu plusieurs demandes, effectivement, dont une que j'ai clairement refusée parce que c'était vraiment quelqu'un qui voulait faire sa prière à une horaire bien précise et donc exiger qu'on arrête le travail. Ça, je n'ai pas accepté que ça change les règles de travail. Et il y a une autre personne qui a fait la même démarche et qui s'est présentée vraiment tout à fait différemment. Il y avait un local qui était en rénovation et on a laissé donc cette salle qui n'était pas utilisée pour que la personne puisse mettre son tapis de façon discrète. Et voilà, et j'ai senti que c'était une vraie démarche sincère et donc elle méritait le respect. La police de Charlotte en Caroline du Nord a fait les comptes. 44 personnes ont été interpellées hier soir lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. L'armée a été appelée en renfort aujourd'hui pour contenir donc ces manifestants qui depuis deux jours dénoncent la mort d'un homme noir tué par un policier. Conséquence de la mise en place de l'état d'urgence, les militaires de la garde nationale ont commencé à arriver dans cette ville du sud-est des États-Unis. Le recours au couvre-feu est aussi envisagé par les autorités. Au cours de cette deuxième nuit d'affrontement avec les forces de l'ordre, un manifestant a été grièvement blessée par balle hier soir. S'il s'avère qu'elle a bien omis de déclarer qu'elle était administratrice d'une société offshore aux Bahamas pendant son mandat de commissaire européen, alors Bruxelles n'exclut pas aujourd'hui de sanctionner Nelly Kroes. Selon des informations du Monde et du Consortium international des journalistes d'investigation, c'est bien ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, l'ancienne commissaire à la concurrence a reconnu les faits. Cette affaire dite des Bahamas Leaks embarrasse aujourd'hui Bruxelles parce qu'elle s'ajoute en fait à l'arrivée de José aussi Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne chez Goldman Sachs, la banque américaine qui a eu un rôle majeur dans la crise financière de 2008. Yahoo devrait confirmer d'ici la fin de la semaine une fuite massive de plusieurs centaines de millions de comptes. L'information est parue aujourd'hui sur le site spécialisé Recode. L'une des conséquences de ce piratage est que les titulaires de comptes Yahoo pourraient, pour certains, être obligés de changer leur mot de passe. Mais pour l'instant, Yahoo n'a rien confirmé. C'est une information de nos confrères en fin de France Bleu Provence. Un important trafic de cocaïne a été démantelé à Marseille et ça a pris plusieurs mois, Rosalie Lafarge. C'est le résultat de plusieurs mois de travail. Tout est parti d'un homme, un habitant du 13e arrondissement de Marseille, a priori le chef du réseau. Il allait chercher de la drogue près de Paris avant de la distribuer à des revendeurs à Marseille et Aix-en-Provence. Parmi ces revendeurs, un prof, un instituteur qui se transformait en dealer à la sortie des classes. 10 personnes ont été arrêtées depuis le week-end dernier. Une partie du réseau est déjà mise en examen et écrouée. L'autre doit encore être présentée à la justice. La police judiciaire a bien sûr fait plusieurs perquisitions. Les enquêteurs ont mis la main sur 7,5 kg de cocaïne et plus de 200 000 euros en liquide. Dans certaines planques, on a aussi retrouvé une dizaine d'armes. À Marseille, Rosalie Lafarge, France Bleu Provence pour France Inter. Et on va maintenant à la Bourse de Paris parce qu'il est presque 17h05 sur France Inter. Antoine Verlin, la journée a bien commencé, elle se termine en beauté. Il n'y a personne. donc j'invente la bourse pour la suite. On cherche Antoine Verlin à la Bourse de Paris. Pas d'Antoine Verlin. Antoine, Laetitia, vous m'entendez? On s'entend bien. Oui, on s'entend bien. Antoine, dites-moi alors, fin de journée plutôt jolie pour la Bourse de Paris? Oui, très jolie même. Le CAC 40 gagne actuellement 2,49%. Il est à 4519 points. Les investisseurs ont manifestement apprécié la prudence de la Réserve fédérale. Hier soir dans la soirée, la Fed a indiqué qu'elle envisageait toujours une hausse de ses taux d'ici la fin de l'année, mais rien pour le moment. En attendant, eh bien, l'euro, lui, s'est quand même nettement renforcé. Il est à 1,1240. Un effet de change qui profite au cours des matières premières. Ainsi, ArcelorMittal, en tête du CAC 40, gagne 5,98% maintenant. Il n'y a aucune baisse dans le CAC 40 qui lui gagne, je vous le rappelle, 2,49%. À 4519 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Tous les samedis à partir de 11h. Sur les épaules de Darwin. Sur les épaules de Darwin. Sur les épaules des géants. Jean-Claude Amezen. Au commencement et la relation. Nous entrons en résonance avec les autres. Nous échangeons, nous partageons, nous écoutons. Sur les épaules de Darwin. Voir dans l'invisible. À suivre samedi sur France Inter. À travers l'espace. À partir de 11h. Et à travers le temps. Air France. France. La France is in the air. Je suis un poème d'Hugo. Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin. Tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot dog. Air France. France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Allô Charline? Oui, Laetitia Gaillet. Je ne sais pas du tout qui vous recevez, mais je suis très heureuse que vous le receviez. Eh bien, c'est Alexis Moncorgé qui est avec nous. C'est incroyable. Il joue au théâtre. Ah, c'est bien ça. Il est jeune, il est plein d'énergie et sachez qu'il vous écoute. C'est un auditeur de France Inter. Il est beau, c'est ça. Et aussi, il est beau. Ah. Vous pouvez monter et voir si j'arrive. Vous voulez. J'arrive. Allez, il est beau. Venez. Mais non, Alex, coupez vos cheveux, ça ira très bien après. Et vous, chez vous? Eh bien, écoutez, comment nous avons préparé cette émission pour vous. Hein. On ne pense qu'à vous toute la journée. Salut les amis. Salut Charlie. J'espère que vous êtes en forme. Ah, parce que moi j'ai déjà trouvé un sujet. Oh là là. Ouais, dans La Croix. Jésus Marie Joseph. Oui, alors c'est sur l'importance du centre dans les campagnes présidentielles parce que tous les côtés draguent le centre. Ah, ouais. Alors attends, par exemple dans L'Équipe, ce serait qui au centre? Alex est le plus à droite. Oh, ça va pas quoi. Ah si, t'es le plus à droite. Oui, parce que vous êtes vachement à gauche. Guillaume, c'est plus à gauche quoi. Donc c'est Charline le centre. Ah non, mais c'est hors de question. Mais je veux pas être François Bayrou et puis c'est vrai que le centre ça a pas beaucoup d'avantages. Sexuellement. Ah, sexuellement. Salut les amis. Salut là. Alors de quoi on parle? De l'équilibre politique dans L'Équipe. Ouais, qui vient de changer donc maintenant. Pardon. Ouais, je suis plus le centre alors. Ah, j'y comprends rien. Ah, bah c'est qui le centre alors? C'est toi. Je suis le centre. Pourquoi il est le centre? Mais t'as bien dit Charline que tout le monde draguait le centre. Ah ouais. Ça c'est La Croix qui le dit. Hein. Clara, tu dois me draguer. J'ai bien fait de venir ce matin moi. Allez, on se voit à 17h. Aïe, elle est partie. Ah, bah c'est de nouveau Charline le centre. Ah oui. Qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs? On disait que sexuellement. Ah, sexuellement, oui. Bon, allez, on se voit à 17h. Aïe. Elle est partie aussi. Du coup, on met qui au centre? Ah oui, qui fait le centre? Allez, on se voit à 17h. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, même ceux qui sont au milieu. Vous écoutez l'émission qui traverse tous les fuseaux horaires de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont finir déphasées à 18h. Il est moqué pendant 4 ans et puis quand approche l'élection présidentielle, il devient soudain l'espace politique le plus convoité. Le centre, mais comment le situer? Comment différencier avec certitude sa droite de sa gauche? Il vous suffit tout simplement de savoir quelle est votre main gauche et quelle est votre main droite. Un homme pense pouvoir soigner toutes les maladies d'ici le siècle prochain. Et pour ça, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'engage à dépenser 3 milliards de dollars. Alors... Salut, tu veux être mon ami? Oui, ah bah oui. Alors là... Oui, bah oui. Tu veux être mon amie? Oui, aussi, oui, oui, oui, oui, voilà. Bon. La nouvelle maire de Rome décide de renoncer à la candidature de sa ville aux Jeux Olympiques, car ce serait irresponsable, dit-elle. Elle est contre, mais vraiment très très contre. Non, è troppo tardi, è finito, va in malora. Elle est très contre, oui. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a la crinière du lion et la gentillesse du koala angora. C'est Alex Vizorek. Bonjour, Charlotte Vanhoenacker. Je vous ai pris une belle équipe pour ce gentil... cette gentille introduction. 17h20, le virtuose du langage qui prétend maîtriser le piano, à moins que ce ne soit l'inverse, le virtuose du piano qui prétend maîtriser le langage. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je sais pas laquelle des deux je préfère, bah finalement. Je sais, c'est, hein, pour ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va parler de la dernière sensation du moment. Elle s'appelle Niloufer Yanya. C'est un envie, ah, évidemment. Oui. 17h30. Alors ça. Le ça renard argenté de l'interview. Mais c'est de sa faute. Il s'est posé tellement de questions à lui-même qu'il a fini par s'auto-faire des cheveux blancs. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je suis allé au grand rendez-vous de l'industrie du tourisme aujourd'hui. Tous les pays étaient représentés. Allez, par exemple au hasard, l'Arménie. Pendant des siècles et des siècles, on a eu de grands hommes en Arménie. Pas André Manoukian. Non. Dommage André. 17h40, elle aime les hommes raffinés, cultivés et montés comme des étalons. Et moi, il y a une des trois caractéristiques qui me manque pour plaire à Clara Dupont-Moretti. Bonjour. Bonsoir Alex. De quoi va-t-on parler? D'un homme qui tue sa femme. Très bien. Oh là là là là. Bon allez, on est sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Devenez notre ami virtuel sur Facebook, sur Twitter, réagissez, n'hésitez pas. Et maintenant, je me tourne vers celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Vous attrapez le virus du théâtre à la fête de l'école, et c'est pourtant en jouant Pierrot la Lune, en restant assis et sans une réplique. Mais vous faites du théâtre votre métier, et lors des derniers Molières, vous êtes couronné révélation théâtrale masculine pour votre rôle dans Amok de Stefan Zweig. On a pu aussi vous voir au cinéma, par exemple, aux côtés de Gérard Depardieu dans Turf de Fabien Antoniente, notamment vous êtes. Oh non, il assume pas du tout. Il essaie d'oublier. Mais avec Gégé quand même. Ouais. Si vous voulez, on dit pas qui vous êtes. Vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un d'autre. On enchaîne. Allez. Tout boss qui est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Plutôt Zweig qu'Antoniente, c'est ça le... Oh ouais, non mais là en ce moment, oui, surtout que c'est un projet là que j'ai mené de front. Salut à vous, bande de jeunes. Bonjour Alexis. Alexis Moncorgé qui est avec nous. C'est une pièce de théâtre que vous avez adaptée vous-même, Amok, et qui vous vaut le succès, la reconnaissance. Alex est allé vous voir au théâtre. Mais oui, et j'avais depuis longtemps envie d'aller le voir, depuis un soir de l'an dernier où j'ai entendu ceci. Rabelais a dit mon métier, mon art, c'est vivre. Vivons Amok. C'était le meilleur discours de la soirée. C'est sympa, ouais. C'était le vôtre. Vous recevez des Molières. Des Molières, hein, l'an dernier. On a l'impression que c'était vraiment le couronnement. Vous aviez l'air d'être le plus heureux à recevoir ce prix parce qu'il y avait toute une équipe derrière vous et c'est un projet qui part de rien et que vous avez amené jusque-là. Racontez-nous. Ouais, ça s'est fait dans l'urgence en fait, comme cette nouvelle. D'ailleurs, c'est un mec qui est dans l'urgence. C'était au mois de février la dernière, personne ne m'appelait, j'avais pas de boulot, j'avais plus rien. Et puis j'ai eu cette rencontre avec cette nouvelle de Zweig qui a été incroyable et je me suis lancé dans l'adaptation. Il a fallu tout mettre en œuvre pour pouvoir la monter parce qu'il y a un créneau qui se libérait à Avignon et il y avait 3 mois pour la monter. Donc j'ai réuni une équipe, j'ai cassé mon PEL et voilà quoi. Dans le discours juste avant, vous remerciez l'intermittence. Ouais, il faut bien. Moi je l'ai que depuis le mois de mars de cette année, hein, clairement avant je l'avais pas. Mm-hmm. Mais qui? L'intermittence du spectacle. Je suis intermittent que depuis le mois de mars, mais c'est un petit peu éloigné du monde de Clara. Ouais. Non, c'est qu'il y a des intermittents. Parce qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup et c'est très important de le souligner, quoi, parce que. Mais bien sûr. Vous voyez Clara les troubadours. Hein, mais j'aime. Autour de votre donjon. J'avais pas compris. J'ai cru l'intermittente que c'était quelqu'un. J'avais pas compris que c'était. Non, l'intermittence du spectacle. Et c'est important de dire aux gens que si on peut permettre, si on fait ce métier-là aussi de temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de creux et ça nous permet de survivre. C'est pas un truc de feignasse. Il y a des périodes de travail surtout où il faut s'entraîner, où il faut écrire. Ouais. Et c'est du boulot aussi. Quoi. Bien sûr. Bah là, toute l'adaptation, ça a été, même dans l'urgence, ces 3 mois. Ouais, tout à fait. Alors l'adaptation, elle a été fulgurante. J'ai fait en 2 semaines, mais parce que tout était là, en fait, tout était dans la nouvelle. Chez Svek, c'est assez fantastique dans ces nouvelles. Il y a une trame dramaturgique qui est très nette, très claire. Donc j'ai fait beaucoup de découpage, on va dire. Et puis il a fallu adapter la langue littéraire qui était au passé simple, au passé composé pour qu'il y ait un rapport direct avec le public, changer le début, la fin. Mais sinon, tout était là. Quoi. Et pourquoi Amok vous a tapé dans le cœur, celle-là de Svek ? Alors, je connaissais Svek, évidemment, je n'avais pas lu Amok. Moi, je voulais faire un monologue depuis un petit bout de temps. Vous pouvez juste nous faire un petit pitch, parce que moi, j'ai oublié... Alors, exact, vous avez raison, monsieur Manoukian. c'est l'histoire. Juste, je dis que ça commence, ça s'ouvre et vous êtes sur un bateau. Ouais. Et vous adressez c'est à ça. Nous. C'est un homme qui se confie à la faveur de l'obscurité, qui a besoin de parler. Il est dans le silence depuis trop longtemps. Il fuit la Malaisie. Pourquoi ? Parce qu'il était médecin colonial là-bas, on est en 1912. Il a passé 5 années pardon, au fond de la jungle. Il dépérit, il boit, il est alcoolique. Et un jour, il y a une femme qui vient frapper à sa porte. Une femme blanche de la ville. Très belle, très distinguée. Et elle lui fait comprendre qu'elle a besoin de se faire avorter, mais elle lui propose une somme d'argent pour ça. Elle est mariée. Et il refuse de le faire pour de l'argent, vu que c'est une très belle femme. Il lui fait comprendre que si elle se donne à lui, il pourra l'aider. Elle lui réunit, claque la porte, elle s'en va. Et là, il pète un câble. Il devient Amok. Amok en malais, ce sont les fumeurs d'opium qui sont pris d'une crise de monomanie meurtrière insensée. C'est un vrai terme ethnologique d'ailleurs. Et Svek s'en sert pour raconter ce que c'est que la folie de cet homme qui va tout faire pour retrouver cette femme à travers la jungle, à travers la ville, pour lui sauver la vie parce qu'il comprend que cet avortement pour elle, c'est une question de vie ou de mort. On s'attache à lui parce que c'est vous, parce que c'est lui qui nous parle, mais c'est pas toujours un gars bien. Non. Donc, non, mais c'est ça qui est toujours fort chez Svek aussi, c'est que c'est l'homme dans tout ce qu'il est, et c'est la manière dont ils ont ces personnages toujours de se mettre à nu. Chez Svek, dans ses nouvelles, c'est la vérité qui compte. L'homme va se dépouiller à la faveur d'une rencontre avec quelqu'un, souvent sur le pont d'un bateau. Il va se livrer, se mettre à nu, c'est un effeuillage, et on détourne pas la vérité, on dit les choses. Donc oui, c'est un homme avec ses faiblesses. Et lui, sa faiblesse, ce sont les femmes d'un certain standing. Clara Dupont-Monesque, on peut dire. les femmes inaccessibles qu'on ne peut pas avoir. Ouais, tout à fait. Ouais. Sauf qu'il est animé d'un petit sentiment un peu de destruction et que là, c'est la première fois qu'il va devoir tenter de faire quelque chose de positif. En fait. Ouais. Et 1h40 après, on se fait son propre rêve. Et voilà. Et après, le reste, allez le voir. Et vous pourrez bientôt le voir en France, d'ailleurs. Alexis Moncangé part en tournée. Ouais. Ça y est, pour Amok, pour l'instant, au Théâtre de Poche, du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h30. Mise en scène de Caroline Darnay. Ouais. Alexis Moncangé est avec nous sur France Inter. Youpi yeah. Information. C'est Divo qui chante Satisfaction et ça a plu à Alexis Moncorgé, ouais, notre j'adore. Invité, et ça a la satisfaction de l'avoir avec nous. Même plus que ça pour Amok au théâtre de Poche, l'adaptation de Stéphane Zweig. Et autour de cette table, Alex. Eh bien, André Manoukian, Clara Dupont-Monod et Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Une belle équipe. Et bien sûr, l'information. Mais et bien oui. sûr, l'information toujours autour de la table. Qui me rendra mon honneur ? Ça vous reprend. Ça y est, c'est décidément. Une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy était en meeting hier. Des manifestants gabonais ont perturbé son discours. Le candidat Les Républicains s'est interrompu pour dire « Ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez parler du Gabon, retournez-y. » Et oui, mais quand les gars vont arriver à Libreville et qu'ils vont expliquer que leurs descendants sont gaulois, ça va être un choc. En France, le gouvernement a annoncé que le tabac à rouler va augmenter de 15%. Ah chouette, les fumeurs aussi vont se faire rouler. Il y aura l'interview de la boule de cristal de Christine Boutin. Et deux brèves qui viennent de Belgique. Aïe. C'est cadeau. Et avant toute chose, oui. bon rétablissement à Bernadette Chirac, hospitalisée depuis hier à la Pitié-Salpêtrière, dans le même établissement que son mari. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour vérifier que l'autre drague pas les infirmières ? Politique à présent, avec ces jeunes étudiants gabonais venus manifester donc lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy, qui leur a répondu « Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon ». Alors, il est nul en histoire, mais en géo, le gars est balèze. Ici, c'est pas le Gabon. Et François Fillon, de son côté, tenait hier un gros meeting aussi de campagne au Cirque d'Hiver. Il a fait le clown. Clown, cirque. Excellent. Excellent. Excellent, Alex. Pardon. Non, non, non, c'est rien. Bah, non. J'attends juste que Frédéric Poisson fasse un meeting à l'Aquarium de La Rochelle. Ouais, moi aussi, j'attends. Oui, j'imagine que vous attendez. Alors, à gauche, Benoît Hamon est aux États-Unis. Oui, t'es aux États-Unis, Benoît. Oui, on Benoît l'a Hamon. Fait. On l'a ouais, fait. Ouais, oui, non, oui, de toute façon, c'est fait. Hein, faut bah, oser. Hein, voilà, on prend montage. À gauche, Benoît Hamon est aux États-Unis où ils sont entretenus avec Bernie Sanders. C'était pas nécessaire. Moi, je pense que Benoît Hamon ait besoin de conseils pour perdre la primaire à gauche. Il peut y arriver tout seul. Le gouvernement a annoncé que le tabac à rouler allait augmenter de 15%. Mais oui, et grâce à ça, le cancer du poumon ne sera bientôt plus une fatalité, mais bien un signe extérieur de richesse. Mmh. En média, la garde à vue de Jean-Marc Morandini a été prolongée. Bah, comme certains de ses castings, hein. Mais bien les prolongés aussi. Fait divers toujours, à Marseille, oui. un gros trafic de cocaïne a été démantelé. Parmi les personnes incriminées, on retrouve un instituteur qui se transformait en dealer dès la sortie des classes. Mais oui, mais c'est aussi ça. Un professeur sera en mettre les élèves sur de bons rails, c'est important. Breaking Bad. Alimentaire, des steaks hachés bio ont été retirés de la vente après la découverte de traces de la bactérie Escherichia coli. Et oui, c'est très important de manger des steaks bio, ça permet d'être en meilleure santé pour tomber malade, vraiment, allez-y. Allez, venons-en à l'interview oui. dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendu ailleurs. Et aujourd'hui, il s'agit de la boule de cristal de Christine Boutin. Bonjour Irma. Coucou, je suis dans une forme en ce moment. Ah oui, peut-être trop en forme du coup. Ouais, c'est sûr que je suis pas comme Chirac moi, j'ai la patate. Un peu de respect, s'il vous plaît. Oh, bah, c'est pas mon travail, le respect, moi j'anticipe. Mais vous êtes trompé, oui, surtout. Ah, bah, ça m'étonnerait, j'ai dit que Chirac n'était plus, j'ai pas dit quand. Oui, c'est vrai, merci, mais vous avez vraiment d'autres visions oui, comme ça. Oui, oui, alors là, je peux vous dire que Chaban Delmas est mort. Oui, félicitations. Ah, je suis trop fort en ce moment. Alors, bah, pour Michel Rocard, j'ose pas trop me prononcer. Oui, vous n'êtes pas la seule, j'imagine. Schumacher, c'est un jour sur deux. Oui, merci. Bon, bah, vous savez quoi, embrasser Christine de notre ah, non, je sais pas, parce qu'elle pique un peu. Oui, merci. Non, non, il fallait juste merci. Enlever la, le tableau. Voilà. Puis on va continuer un petit bah, peu bien avec sûr, de la technologie. Du lourd, hein. Apple négocierait le rachat du fabricant automobile McLaren. Oui, pour les Formule 1, c'est con. Hein. Trois tours et puis recharger la batterie, c'est idiot. Non, ne vous inquiétez pas pour eux, parce que l'iPhone 7 qui est vendu minimum 900 euros coûte oui. seulement 225 dollars à produire. Mais non. Si, si, la différence s'explique en fait par le marketing, ouais, le packaging, ouais, ouais. plein d'autres mots en ing. Ouais, 700 euros de marge, c'est surtout du fist-fucking. Ça finit en ing. Ouais, enfin, petite pensée évidemment pour les parents hein, qui vont devoir expliquer à leurs enfants dans la voiture ce qu'est le fist-fucking. Oui, oui, oui. Ou qui vont se faire expliquer. Par oui, leurs enfants, c'est... ce qu'est le fils c'est possible, c'est les deux brefs belges. Oui, Saint-Tropez, cinq Belges empruntent un yacht de plus d'un million, de à quasiment 1,5 million d'euros et ils s'échouent. Voilà, ah, le bling-bling, c'est pas notre truc, vraiment. Allez, la dernière. Oui, allez. Belgique, excédé par les animaux de sa voisine, il règle le problème avec un javelot. Voilà, nous, clairement, on descend pas des Gaulois, on est encore des Gaulois. On descend quand même des Gaulois. Bien sûr, donc. Précision faite, il s'agissait d'une chèvre et il l'a ratée au javelot. Ah. Voilà. Important de dire, l'animal va bien. De tous les peuples de la Gaule sont les plus forts, comme l'a dit César, donc nous sommes Gaulois. C'est vrai. Et nous le sommes restés. Allez, nous sommes en compagnie d'un autre Gaulois, Alexis Moncorgé est oh. avec nous. Bah, vous l'êtes tous, hein, on l'est tous. On est tous un peu. Premier sujet avec vous, le centre, c'est cet espace politique prétendument insaisissable. On s'en moque souvent, sauf à l'aube d'une nouvelle année présidentielle, et où il est soudainement convoité par la droite et par la gauche, et alors le centre se transforme soudainement donc en objet de désir. Comme toutes ces choses étranges qu'il est délicat de définir, certains ont essayé. C'est une dame que j'avais à côté de moi. Et puis alors, elle n'arrêtait pas de me bassiner, elle me demandait mais comment est-ce qu'ils font pour voler la nuit, pour pas se perdre. Alors j'ai dit, on va demander au capitaine. Au capitaine, commandant de bord, n'est-ce pas? Alors, il nous a dit, enfin, il a dit à la dame, parce que moi je savais, il a dit, vous voyez la petite lumière verte c'est au bout de l'aile gauche? Elle a dit, oui, je la vois. Bon. Ensuite, il a dit, vous voyez la petite lumière rouge sur l'aile droite? Elle a dit, oui. Il dit, ben, nous, on vole juste au milieu, comme ça on peut pas se perdre. C'est Charles Denner dans L'Aventure. C'est l'aventure, vous avez reconnu Alexis Moncorgé. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le centre en politique manque de considération d'habitude? C'est quelque chose que vous observez de temps en temps, vous en parlez, de, je sais pas, dans les débats. Ouais, du quoi, du centre. Ouais. De toute façon, il faut bien parler d'un truc quand les mecs ont plus de sujet. Quand une fois qu'on a passé le burkini et toutes ces conneries, non mais franchement. Moi, j'aimerais. Bon, on va parler. Vous voulez me faire parler de politique, là? Carrément, non, c'est non. Exactement le but. Non, mais voilà. Moi, ça me fait ni chaud ni froid tout ça. C'est. Ah, attention, parce que si c'est ni chaud ni froid, ouais, vous voilà, êtes au milieu. Mais voilà. Non, mais c'est pour parler. Évidemment, les mecs, là, c'est la levée de bouclier. Là, c'est bientôt la présidentielle. On va toucher le fond, je crois encore une fois. Donc. Mais alors, justement, le centre, c'est un espace politique. C'est vrai qu'il est moqué toute l'année. Et puis là, comme il y a une tentation de l'extrême et qu'il y a un rejet de la droite et de la gauche, c'est un espace qui peut avoir sa carte à jouer. Est-ce que c'est un espace qui pourrait vous séduire sans spécialement faire un coming out politique, hein? Non, moi je ne suis pas de coming out politique. Non. Bah, écoutez, si les mecs n'ont pas fait l'ENA et s'ils ont bossé une fois dans leur vie, voilà, qu'ils ont des trucs à dire, ça, c'est foutu. Voilà. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez, qu'ils aient une expérience. Non, mais moi, ils me font marrer, tous ces mecs qui donnent des conseils à tout le monde, les Moscovici, les mecs, ils n'ont jamais bossé une fois de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que de trimer pour gagner 1200, 1300, 1400 balles. Mm-hmm. Donc franchement, voilà. Okay. Je comprends. Ah, André Manoukian. Zweig. Ouais. Hermann Hesse, Siddhartha. Ok, vous voyez le truc. Siddhartha, il s'est dit, je vais être un asset complet. Et puis, c'est un prince qui est riche. Et puis, tout d'un coup, il n'y arrive pas. Et il entend un prof de sitar qui dit à son élève, si tu tends trop la corde, elle se casse. Si tu ne la tends pas assez... Il n'y a pas de son, la vérité est au milieu. Siddhartha... Aristote disait la vertu, c'est le juste milieu. C'est aristotélicien. Je veux dire, c'est une vertu. Vous avez commencé la campagne de Bayrou, ça, au moins. Je ne comprends plus là, ce qui se passe. On se moque, mais peut-être que c'est une sagesse. Ah, oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes quelqu'un de modéré dans la vie, Alexis Moncorgé? Est-ce que vous cherchez le compromis, le meilleur du tout. Moi, d'un côté de l'autre? Ah, c'est vrai. Non, je suis impulsif, je suis instinctif, je suis un peu psychopathe entier. En fait. Un peu psychopathe. C'est pour ça qu'il est ma moque. Ce qui dans l'art est une qualité, je pense, d'être impulsif, d'être entier, d'être vrai. En politique, justement, le centre, on a toujours dit que Bayrou avait le programme le plus réalisable. Déjà, Bayrou a un programme. Déjà, il y a une info. Ça fait 20 ans qu'il se présente. Bah oui, c'est le même, mais peut-être. Mais, et alors, évidemment, c'est toujours ceux qui mentent et nous, on critique ça. Donc peut-être ce centre. Pourquoi pas? Pourquoi pas le reconsidérer? Ah bah voilà, autre chose. Là, de toute façon, oui. Au point où on en est, oui. C'est un peu ça l'idée. Il va y avoir plein de reportages à la téloche, à la machin, pour nous dire combien c'est super, combien c'est génial. Et ça va vous énerver. Je regarde plus la télé, moi. Mais est-ce que vous votez quand même? C'est trop long. Ça dépasse. C'est trop long là. Oui, bien sûr que je vais voter. Bien sûr que je vais voter. Évidemment, je vote pas à toutes les élections. Non, toutes les élections. Vous êtes plutôt vote utile, c'est-à-dire que quand il y a le feu aux fesses, il faut se déplacer. Ou... Ouais, non, mais c'est très important. Mais il faut voter. Attendez, c'est indispensable. Mais il faudrait que la classe politique prenne conscience de ce qui se passe pour le peuple qu'on est, quoi. Enfin, qu'ils ouvrent un peu les yeux. Et donc on retient que le fait qu'il n'ait pas travaillé vous reste en travers de la gorge. Et... Bah ouais. Tout à fait valable. On valide complètement Alexis Moncorgé. Okay, André Manoukian. Je vais vous parler d'une fleur. Elle s'appelle Niloufer Yania en turc. Niloufer, ça veut dire le nénuphar. Elle a été élevée à Londres. Et on se dit que seul Londres peut produire une musique pareille. Est-ce que vous êtes déjà baladé à Camden Market? Camden Market, c'est un petit peu le Saint-Ouen, le marché aux puces, qui est pratiquement toute une ville. On voit non seulement des gens du monde entier qui sont là, on voit, j'allais dire, Mais on voit aussi des musiciens qui vendent leur musique, qui produisent eux-mêmes avec des sound systems. Je trouvais ça assez formidable. C'est-à-dire que c'est un endroit, quel que soit le stand où vous marchez, il y a de la musique partout. Ça aussi, c'est dans le centre de Londres. Quand vous vous baladez, vous rentrez dans un magasin un petit peu chicos, vous voyez des gens qui sont assez sublimes à l'intérieur et qui sont assez sublimes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très métissés. Chez nous, dans les magasins de luxe, c'est un petit peu plus spécial. Et surtout, vous avez une musique à chaque fois que vous rentrez dans un magasin, vous dites, mais quel est ce son ? Comme si chaque boutique travaillait sa musique avec, en fonction de son identité. Ça, c'est la ville de Londres qui produit ça. Ça s'appelle le sound design ? C'est ça qu'on appelle comme ça ? Ça s'appelle aimer la musique et en faire sa religion. Alors, il y a une petite explication. Les Anglais sont tellement coincés du cul que pour eux, danser, c'est un acte physique très important. Comme ils ont plutôt tendance à cacher leurs émotions, la musique est un vrai exutoire et défouloir. Maintenant, ouvrez la télé anglaise. Impossible de ne pas voir des représentants de toutes les minorités. Pendant que chez nous, Zemmour, même s'il est viré, triomphe dans nos têtes et que la théorie du grand remplacement est en train de nous polluer, je vous demande juste un truc. Citez-moi un acteur black, un deuxième à part Omar Sy. Vite, vite, comme ça. Allez. Français, vous voulez dire ou... Oui, français. Ben voilà. Celui qui a joué dans le Crocodile du Botswana. C'est ça. Ah oui, Ngijel. Thomas Ngijel. Voilà. Lucien Jean-Baptiste, Benjamin Riquet, notre réalisateur. Voilà. Il faut au moins, il faut que ce soit le réalisateur qui nous souffle ça. Ouais. Un scénariste français me racontait que une directrice littéraire d'une grande chaîne de télé, qui commence par un 1 et qui n'en a qu'un seul chiffre, lui disait « Est-ce que tu peux enlever le rebeu parce que ça va faire le jeu du Front National ?» Voilà où on en est chez nous. Elle s'appelle Nilüfar, elle est d'origine turque, ça veut dire Nénuphar. C'est la fleur en laquelle s'est transformée une nymphe morte d'amour pour Hercule. Franchement, il faut être con comme Hercule pour envoyer bouler une nymphe aussi jolie. Non, mais il avait du boulot, Hercule. Voilà, alors il l'a transformée en nymphe. Contrairement à d'autres. Hercule, quand elle avance... Ah, d'accord, merci Alex. On va rester sur André Manoukian. Donc, c'est une nymphe, la fleur représente la froideur. On l'offre à quelqu'un ou à quelqu'une qu'on veut réchauffer. Et c'est ce que fait Nilüfar, son chant nous réchauffe. Il est flap-free, disent les critiques. Ça veut dire quoi ? Libre de gras, ça veut dire dépouillé. Le grand dépouillement commence en musique à la fin des années 80. Le pic de pollution est atteint par Michael Jackson. On se retrouve avec des magnétos enchaînés les uns après les autres et on va enregistrer jusqu'à 96 pistes, sauf qu'il faut avoir la science d'un quiz jaune. 80 quoi ? 96 pistes. Ah, c'est-à-dire pistes, c'est des instruments. Oui, oui. Vous avez des cordes, vous avez des cuivres, vous avez tout, même des portes qui claquent et qui mélangeaient avec des sons de caisse claire. Et puis le hip-hop arrive, et puis l'anti-folk. Et dans le hip-hop, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on va mettre peu d'instruments, on va mettre plutôt des choses assez rythmiques et la voix. Et on va se rendre compte que finalement, une bande passante, elle est étroite comme ça, que plus on met du son qui s'entasse, moins il y a de son, et que moins on en met, par contre, plus il prend de l'air. Mais pour ça, il faut être un petit peu couillu. Parce que ce qu'on va proposer ne peut se cacher. On ne peut pas doubler sa voix comme certaines chanteuses indigentes françaises que je ne citerai pas ici. Il y en a qui doublent leur voix. Mais oui, qui les double, qui les triple, qui les quadruple. Aujourd'hui, l'idée, elle est au dépouillé. Ce que nous présente cette jeune femme, c'est d'une modernité, c'est d'un dépouillement, c'est d'une esthétique incroyable. Sachant qu'un nénuphar double de taille chaque jour et qu'il met 30 jours pour recouvrir un lac, jusqu'où va aller Nénuphar Yania, qui a aujourd'hui 21 ans. I've been trying to meet you. Hey, there must be a devil between us, or in my head, or at the door, or in my bed. But hey, where have you been? If you go, I will surely die. Joe, angel, angel, angel, angel. to the lady. The lady to the man, she told the doors like a choir going all night. Mary, you tired all of this? Oh, it's the sound mother makes when the baby breaks. Joy. Hey, et c'est une reprise des Pixies, André Manoukian. Exactement, exactement. Et rendons à César ce qui est à César, c'est Muriel Pérez, notre programmatrice, qui m'a fait découvrir cette chanteuse fabuleuse. Et comme disait Kafka, un livre n'est bon que s'il vous donne un coup de poing à la figure. Quand j'écoutais cette voix, j'ai senti qu'on me mordait l'oreille. Elle s'appelle Nilüfer Yanya, c'est une jeune turque de 21 ans. Exactement. C'est très joli, merci André Manoukian. Je suis pour la réconciliation. C'est ça, beaucoup plus à Alexis Moncorgé, qui est fan de musique, qui est avec nous. Il est en ce moment au théâtre de Poche, dans Amok, une adaptation qu'il se l'a faite lui-même, de Stefan Zweig, du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h30, et qui sera ensuite en tournée dans toute la France. Donc vous pourrez aller voir Amok. Allez. Et puis Alex Vizorek, lui, il sera à Lyon samedi. C'est J'en vrai profite Mais à oui, 17h. Allez-y au Palais des Congrès de Lyon voir Vizorek. Après un bon il y a même bouchon. Des brèves après. À cette heure-ci, Alexis Moncorgé, je sais que vous êtes auditeur de cette émission, donc vous connaissez l'individu qui est près de vous. Ah oui. Qui s'appelle Guillaume Meurice. Ouais. Et auquel on ouvre le micro, c'est parti. Non, bah écoutez, je suis désolé. Non, mais j'ai pas trop le moral aujourd'hui, Charline. Ah. Non, mais c'est vrai, depuis l'annonce de la non-candidature d'Hervé Mariton, j'ai plus la niaque. Je sais pas comment chacun gère ça autour de la table. Hein. Le deuil, c'est assez personnel. Moi, j'y arrive pas. Alors, bon, bah, c'est décidé, Charline. Voilà, je vous l'annonce. Je me barre. Je me barre de France. Et ça tombe bien. Hein. Ce matin, il y avait le grand rendez-vous de l'industrie du tourisme. Alors, j'ai cherché un pays où demander asile. Tiens, pourquoi pas les Bahamas ? Les Bahamas, c'est assez unique. Il y a de jolies plages. Donc on peut voir des îles un peu sauvages, des cochons qui nagent. Des cochons qui nagent aux Bahamas ? Oui. Quand vous dites des cochons qui nagent, vous voulez dire que DSK est en vacances là-bas ? Pardon ? Pardon, non, excusez-moi. Non, je m'excuse, on pardon. Vous voyez arriver à l'île alors. Je m'excuse, voilà. Je m'excuse notamment auprès des cochons, hein, dont les mœurs sont tout à fait paisibles à côté de celles de DSK et autres de Denis Baupin. Bon, alors en revanche, l'avantage des Bahamas, c'est le côté fiscal. Ça me va bien, okay. Mais on peut faire mieux évidemment avec le Panama. Hein, les Panama Papers leur ont fait quand même une sacrée pub il y a quelques moments, hein, n'est-ce pas le Panama ? Bah, sur le tourisme, ça n'a pas eu trop d'effet parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui avait vraiment à voir avec nous. Mais c'est vrai que ça a fait parler du pays pour le coup. Moi aussi, je viens au Panama avec quelques petites mallettes, vous m'acceptez ? On verra ce qu'on fera. Ah, voilà. Bon, alors en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de croiser tous les matins Balkany en pantacourt sur la plage ? Non, hein, c'est toujours agréable de vomir, mais il y a des limites quand même. Donc je suis reparti et mais qui voit juste à côté du stand du Panama ? Mais ça serait pas la BNP, ça ? Ça alors ? Bah, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? La BNP est une banque internationale, je dirais, qui a des ramifications un peu partout. Quand vous dites des ramifications un peu partout, vous pensez aux paradis fiscaux, par exemple ? Je ne répondrai pas à cette interrogation qui n'a pas lieu d'être. Parce que vous êtes juste à côté du stand du Panama, est-ce qu'il y a un hasard ? Non. Ah, il n'y a pas de hasard, on est d'accord. On va couper ça, hein, ça sert à rien. Non, bah, du coup, on ne va pas couper. Mais en revanche, c'est vrai que ça ne sert à rien, hein, puisqu'il n'y a toujours aucune sanction significative pour la BNP en France. Tiens, en revanche, il y a un mec qui a pris 2 mois ferme pour avoir volé un paquet de pâtes. Hein, donc, vol des nouilles, t'auras des embrouilles, mais remplis-toi les fouilles, on s'en bat les couilles. C'est la nouvelle devise de la France. Moi, je m'en fous, je vous dis, de toute façon, je vais me barrer. Alors, pourquoi pas les Maldives, hein, Ah, oui. Très connues, hein, pour ses plages de sable fin et pour la peine de mort, hein, pour les enfants dès 7 ans. Ça ne rigole pas, hein, là-bas. Françoise Dolto aux Maldives, c'est l'équivalent de Véronique Courgeot, vous voyez ? Parce que c'est la charia, hein, qui s'applique toujours. Je vous conseille d'ailleurs une excellente chronique de notre confrère Éric Valmire sur le sujet. Qu'est-ce qu'on en pense des conséquences de la charia aux Maldives ? Ben non, il n'y en a pas. Écoutez, quand vous arrivez aux Maldives, vous arrivez sur l'île principale qui est Malé et vous hébergez pas sur Malé. Okay ? Tous les hôtels sont dans des îlots. On ne voit pas les effets de la charia ? Non. Comme j'ai dit, que les touristes, ils vont pas à Malé. Oui, de toute façon, ils ne voient pas. Il n'y a rien sur Malé. Alors, du coup, vous arrivez dans votre resort, vous consommez ce que vous voulez. Voilà, hein, dans votre resort, vous consommez ce que vous voulez, mais dans la capitale, bien sûr, l'alcool est interdit, hein, y a la police islamiste. Bon, moi, je leur jette pas la pierre, hein. Je serais capable de la ramasser pour la foutre dans la gueule d'une femme. Alors, désolé, parce que je viens sans doute de nous fâcher auprès de notre auditorat de djihadistes, mais bon, je m'en fous, de toute façon, moi, je vais me barrer. À moins que, puisqu'on parle de terrorisme, je suis allé voir des Corses. C'est comment la Corse ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a-t-il pas fait la Corse le septième jour ? Ah bon ? Oui, le septième jour, le jour où vraiment il avait envie de s'éclater, et il a fait la Corse. Mais je croyais que c'était le jour où il s'était reposé. Oui, mais ça fait rien, justement, en se reposant, on a plus de force et plus d'envie. C'est pour ça que les Corses sont feignants ? Les Corses ne sont pas feignants, les Corses sont travailleurs. Pardon. Voilà. Est-ce qu'il faut une bonne assurance pour se moquer des Corses ? Non, pas du tout, on a l'humour quand même. Hein. Ouais, ça se sentait pas immédiatement. Ni dans la voix, ni dans le regard. Alors j'ai quand même pris une bonne mutuelle, hein, on sait jamais. Et du coup, comme je suis couvert, et comme franchement, je vous le dis, hein, j'ai plus rien à perdre, je me suis rendu au stand d'Israël. Israël est la seule terre promise dans le monde. Ah bah alors votre meilleur attaché de com, c'est Dieu finalement. Oui. Oui, c'est le meilleur pour le tourisme, Dieu. En revanche, pour l'emplacement de la terre promise, il s'est bien foutu de la gueule du monde. Il aurait pu mettre ça aux Caraïbes, mais non, il en a rien à foutre, Dieu. Enfin bon, c'est pas la première fois qu'il fait des conneries, hein, parce que je vous rappelle qu'il a créé Donald Trump et la Twingo Diesel, l'un étant le brouillon de l'autre, mais je me souviens plus exactement dans quel ordre ça fonctionne. Bref, profitons de ma bonne mutuelle pour conclure avec une dernière question, tourisme avec Israël. Est-ce que les gens peuvent emmener leur enfant en colonie en Israël ? On peut emmener. Qu'est-ce que vous dites en colonie ? Il faut organiser des colonies. Il y a effectivement, si quelqu'un. Vous pensez qu'Israël est connu pour ses colonies aussi ? Oui, ça c'est autre chose, c'est un problème politique plutôt. Ah. Mais parlons d'autre chose un peu plus intéressante. Oui. Le viol des résolutions de l'ONU, c'est pas intéressant. Celui des femmes aux Maldives non plus. Celui des citoyens par la BNP en France non plus. Hein, vous l'avez compris, pour l'industrie du tourisme, rien n'est intéressant. Bon, de toute façon, je vais vous le dire franchement, hein, changer de pays, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est que ces pays changent, y compris celui qui est censé être le mien. Merci Guillaume Meurice. Il est 17h41 sur France Inter. On est avec Alexis Moncorgé. Tout à l'heure, Clara Dupont-Monod nous livrera sa chronique. Bonsoir. Bonsoir. En attendant, le deuxième sujet avec André Manoukian, Alex Bizarek. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont promis de verser 3 milliards de dollars en 10 ans pour venir à bout de toutes les maladies. C'est l'équivalent de 2 milliards et demi d'euros, évidemment. Le fondateur de Facebook déclare « C'est un projet ambitieux ». Fin de citation. L'idée est de mettre à profit l'intelligence artificielle pour diagnostiquer et soigner, car tout bon commerçant sait qu'un bon client, c'est un client en bonne santé. Mais on en a vendu tous les deux, on était dans l'épicerie fine avant. Ouais, on vendait les petits pois. Oui, c'est bien. Eh bien, messieurs, j'aimerais mettre à profit ce breakfast pour expliquer certaines petites choses à nos nouveaux amis, aussi expérimentés soient-ils. Monsieur Jamelin, comment amorceriez-vous ? Eh bien, je parlerai de la pluie, du beau temps. Oui, très bien, oui, c'est très bien, ça. Eh oui. Et aussitôt après, vous lancez quelque chose comme du moment qu'on a la santé. Ouais. Oui, mais non, mais attention. Procédez par évidence. Oui, après la santé, oui, qu'avons-nous de plus précieux, hein ? Je vous le demande. Bien, monsieur Roquois. Oui. Ben, je vous le demande. Hein ? C'est pas compris. Oui, non, mais... Après la santé, qu'avons-nous de plus précieux ? Les sous. Bah ouais, mais parfait, bah voilà, les sous. Bah oui, les sous. Vous avez reconnu tout de suite. Ah bah Marielle, c'est mon idole, c'est mon idole. Vous avez reconnu l'extrait du film ? Ouais, alors c'est avec Lanvin et Dutronc la scène là. Exactement. Et ça c'est L'Entourloupe. L'Entourloupe. Ah, avec des dialogues adaptés par Michel Audiard. Oui, oui. Alors donc on en était sur ce sujet de Mark Zuckerberg et sa femme qui ont promis de donner 3 milliards de dollars pour venir à bout de toutes les maladies. Alors vous recevez comment vous, Alexis Moncorgé, ce genre d'information ? Est-ce que ça soulève de l'enthousiasme ? De l'espoir, ou est-ce que c'est teinté d'un petit peu de tiens, mais où est-ce qu'il veut en venir ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Bah écoutez, déjà, un premier abord, je like. Hein, un bon pot. Je like, hein, je poke et je cheer avec mes amis. Non, vous êtes utilisateur de Facebook, alors ? Ouais, alors oui, bien sûr. Hein, oui. Je suis né en 86. Hein, la génération Facebook. Non, mais ouais, j'utilise. Mais je mets que les trucs plus ou moins pro quand même, parce que je raconte pas ma vie. Et, même si j'ai pris un selfie avec vous juste avant, ah oui. je m'en vais. j'enverrai juste à mes potes. On peut voir le selfie sur Facebook. Ça va voilà. Liker. Comment je prends? Bah, c'est super, génial. S'il peut sauver le monde, Zuckerberg, avec tout le pognon qu'on lui donne, c'est génial. Ça peut être super. Très bien. Mais après, je crois que c'est quoi? C'est, les médecines, c'est nous injecter des trucs où on va être tracé. Il veut aider la recherche. Il y a de la méfiance. Non, mais ouais, parce que bon. Il veut aider la recherche et notamment utiliser la recherche, l'intelligence artificielle qui permettrait par exemple. Certains logiciels seraient meilleurs que l'homme pour détecter tout simplement des fractures sur les radios. D'accord. Tout simplement. Ou un autre exemple, tiens, il y a IBM aussi qui a reconverti son logiciel d'intelligence. C'est un logiciel qui jouait aux échecs. Super. Il l'a reconverti en expert du cancer. Super, c'est-à-dire qu'on va aux toilettes, on va nous dire t'as une chaude pisse, fais gaffe. Non, je sais pas. Mais peut-être, alors vous soulevez justement un autre point qui est quid de la vie privée. Non, le point chaude pisse. Alors Alex, si vous me parlez, parlez-nous. Quid de la vie privée après, c'est la question qui vient après parce que c'est magnifique, mais il y a la. Vous préférez être mort avec une vie privée hein. C'est ça la question. Non, mais on est tous en train de se demander, comme le dit très bien Alexis-Simon Corget, avec tout le fric qu'on lui donne. Bien sûr, parce que tout ce qui semble gratuit ne l'est pas. Facebook, vous donnez vos données. Bah non, voilà. Oui, Facebook se fait plein d'argent sur notre dos avec nos données, etc. Et moi, j'ai pas envie d'ouvrir ma page et de tomber sur mon check-up. Voilà. Non. Sans compter que dès lors qu'ils ont déjà rapté les données personnelles des utilisateurs pour les vendre à la publicité, quid des données des patients ? Mm-hmm. Où là, c'est quand même encore autre chose dans la vie privée. On ne peut pas s'empêcher d'être un peu méfiant. On est content qu'il donne 3 milliards, mais, non, mais là, au moins, restez vigilants. On saurait si Chirac est mort, parce que là, en attendant, les hommes on irait sur Facebook. André Manoukian. Ce qui fait peur, c'est l'hyperpuissance de ces gens qui se sentent de faire des annonces pareilles. Et il y a un deuxième biologiste qui a fait une conférence sur TEDx en disant « L'homme qui va vivre 1000 ans est né ». Donc, il y a d'un côté une hyperbiologie et une hyper, encore une fois, puissance financière qui fait que on pense qu'on va être immortel, et puis de l'autre côté, il y a des pays où la mortalité continue à être 50 ans. Quoi. Attention avec la biologie, parce que hier, vous avez fait de la tectonique des plaques, et on a reçu quelques mails de chercheurs qui ont failli. C'était mardi. Il y a eu de l'AVC. Alexis-Simon Corget, pour terminer, vous auriez 3 milliards à dépenser, ce serait aussi pour ce genre de choses ou d'autres Déjà, peut-être un Burger King Non, je bouffe jamais dans les fast-foods, je déteste ça. Donc, on parle de club, de rouler, machin, je crois que c'est encore pire d'aller mettre son pognon dans les fast-foods. Il y aurait une partie pour des intermittents, par exemple. Ouais, pour France Inter aussi. Hein. Ah, ça c'est gentil, ça. Merci, Alexis. Il est malin. Et Clara Dupont-Monod, il est 17h46 sur Inter. Alexis Moncorgé est avec nous encore jusqu'à 18h avant de filer au théâtre. Ouais. Et vous nous parlez d'écrit. Bref. Oui, ce sera bref, Alexis Moncorgé. Mais intense. Bref, mais intense, puisque l'actualité, c'est la chronique en fait qui s'appelle une actualité, un livre. Vous voyez, l'actualité expliquée par un livre. C'est surtout un livre. Hein. Or, non, c'est d'abord une actu, remercier de votre vigilance, mais c'est aussi ce procès qui se tient à la cour d'assises de Versailles et qui va délivrer son verdict demain. C'est le procès d'un mari accusé d'avoir tué sa femme de 48 ans pour récupérer les 680 000 euros d'assurance vie. Ah ouais. Alors, l'accusé est décrit par les experts comme narcissique, autoritaire et bipolaire. Du coup, j'ai très envie de mettre en garde de madame Vizorek, mais la prévention n'est pas notre métier. En revanche, poser les bonnes questions, oui, nous sommes payés pour, et dans ce cas, la question est vertigineuse, puisque c'est que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui vient de tuer sa femme Alors figurez-vous qu'il est très calme, un peu hagard, il reste, je cite, « debout, les bras ballants », écrit Yasmina Reza dans « Babylone », car vous l'aurez compris, Alexis Moncorgé, toutes les réponses sont dans la littérature. Ce roman, c'est le principe de la chronique, vous liez l'actualité. Guillaume, oui, d'accord, voilà. J'ai compris. Ce roman, c'est donc l'histoire d'un meurtre. Ça commence pas tout à fait comme ça, ça commence un peu de façon disparate, un peu comme un film des frères Coen. Et puis un soir, Jean Lino, le personnage, sonne chez la voisine. C'est elle qui raconte l'histoire. Je cite « Je suis arrivée en pyjama, une nuisette Hello Kitty et un bas de pyjama à carreaux en flanelle. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe, Jean Lino ?» Il ne disait rien. Elle sort une bouteille de vodka. Jean Lino se siffle le verre d'une traite et il annonce « Je l'ai étranglé ». Voilà, ça c'est la colonne vertébrale du livre de Yasmina Reza. Et là, nous tenons une matière littéraire qui personnellement me passionne et qui est l'irréparable. Que se passe-t-il quand un personnage commet l'irréparable, le plus souvent, c'est-à-dire un meurtre? Alors, par exemple, Raskolnikov, le héros de Crime et Châtiment de Dostoïevski, il panique. Il devait tuer une seule personne, il fait n'importe quoi, il s'affole, il en tue deux, c'est n'importe quoi. Dans Thérèse Raquin, d'Émile Zola, la femme et son amant ont poussé le mari dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il voit le spectre du mari partout, tout le temps, dans le chat, et également dans le lit conjugal, entre deux, ce qui est un peu gênant. En revanche, Madame de Villefort, dans le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, elle empoisonne méthodiquement toute la famille de son mari avec un sentiment de justice, de devoir accompli, pour une raison très simple, c'est qu'elle veut faire de son fils le seul héritier. Donc vous voyez, l'irréparable induit l'idée de remords ou pas, donc de conscience ou pas, et là, évidemment, je vous renvoie tous au poème La conscience de Victor Hugo, le dernier vers, l'œil était dans la tombe, et regardez qu'un. Notez que le remords surgit toujours quand il y a eu du pulsionnel, quand il y a eu quelque chose de très impulsif, précipité par l'amok. Je ne vous apprends rien, cher Franck Dubosc. En tout cas, Stefan Zweig, je vous le cite. Alors, l'amok, pour rappel à ceux qui n'écouteraient que ma chronique dans cette émission et qui repris, ils sont nombreux. Du coup, à la 45, c'est l'esprit malaisien qui pousse au crime. Je cite, c'est plus que l'ivresse, c'est de la folie, une sorte de rage humaine, une crise de monomanie meurtrière et insensée, à laquelle aucune intoxication alcoolique ne peut se comparer, écrit Stefan Zweig dans Amok, et c'est exactement ça. Par contre, lorsque l'irréparable a été exécuté de sang-froid, donc en fait prémédité, alors là, inutile de vous dire que la morale, elle a été digérée depuis longtemps, un peu comme moi quand je travaille au Parisien Magazine ou à France Inter. Pas d'éthique, uniquement des actes, c'est le signe des grands chefs. En tout cas, Yasmina Reza, figurez-vous, est un peu comme Charline et moi, c'est-à-dire qu'elle peut se faire un chouille perverse. Puisque dans Babylone... Allez hop, embarquez. Mais oui, un petit peu. Dans Babylone, elle renverse les rôles. Qui, subitement, a des allures de chef de guerre sans scrupules ? On se dit le voisin, puisqu'il vient de tuer sa femme. Non, c'est la voisine qui propose de fourrer le corps dans la grosse valise qu'elle ira chercher dans la cave, oh, ça, c'est moi, ça. De pousser tout ça pour que ça rentre bien, et de descendre l'escalier de l'immeuble, ni vu ni connu, et de prévoir ce qu'on dira si on croise quelqu'un, comment on fera pour enfumer la police. Autrement dit, la voisine prend en charge l'absence de remords, elle supporte au sens littéral la transgression. Magnifique retournement des rôles, puisque le meurtrier devient pantin, finalement, et le second rôle primordial. Je vous redonne les références. Mm-hmm. Babylone, de Yasmina Reza, est paru chez Flammarion. Merci. Merci beaucoup. Clara Dupont-Monod, merci pour ce conseil littérature. On aborde le dernier sujet ensemble. Allez, on y va. Ah, je sens la motivation. La maire de Rome renonce à lancer sa ville dans une candidature aux Jeux Olympiques. Quand Virginia Raggi, du mouvement 5 étoiles, dit non, c'est non. Alors, je la cite. Non au jeu du béton, absolument non. Non aux cathédrales dans le désert, nous n'hypothéquerons pas l'avenir de cette ville. Et elle ajoute que les jeux sont toujours une sorte de rêve qui se transforme en cauchemar pour les habitants. Puis il faut choisir les quartiers aussi pour les héberger. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes. Pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça ? La première chose qui te saute aux yeux, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Hein ? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Et le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Et qui dit vin, qui dit vin, dit porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Bravo Alexis, oui, Moncorgé, oui. Connaît tout. Ah ouais. Le karaoké, c'était. Ah ouais. Ouais. Et donc c'est arrivé près de chez vous, par cœur. Ah ouais. Vous l'avez vu plusieurs fois, une bonne dizaine, quinzaine de fois. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, ouais, mais oui. C'est un psychopathe. Vous êtes vraiment, oui, c'est ça. On reste dans le registre avec Alexis Moncorgé. Benoît Poulvorde, hein, c'est arrivé près de chez vous, bien sûr. Alors le thème, c'est la maire de Rome qui renonce, mais définitivement, qui balaye d'un revers de la main la candidature aux Jeux. Donc il reste heureusement Paris et Budapest, donc voilà, ça fait déjà. Il y a plus de chances pour Los Angeles, il n'y a pas Los Angeles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Los Angeles? Je crois qu'ils sont en pole position. Notre envoyé spécial à Los Angeles. Oui, on va se renseigner. C'est vous chez vous, hashtag annule le tour, renseignez-nous parce qu'on est perdu. C'est vous dire si on s'intéresse aux Jeux Olympiques. Vous vouliez juste être content qu'ils aient dit non, parce que vous avez rêvé qu'Hidalgo dise non. Oui. On en est là. Alors, je vais d'abord donner mon avis. C'est l'édito de Charlie. D'habitude, quand dans une mairie ou même à la tête d'un pays, on reprend le poste, il y a un président de la République, un maire, etc., il hérite toujours des dossiers du prédécesseur. Et l'alternance politique, elle n'est pas toujours là parce qu'on reprend les dossiers, donc il y a une continuité plutôt qu'une alternance. Et là, d'avoir un maire qui vient d'arriver et qui dit je balaye tout ça, moi le JO, je m'en fous, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Alors maintenant, il y a deux optiques. Il y a Anne Hidalgo qui se bat pour faire venir les Jeux Olympiques à Paris. On se rappelle du drame quand Delanoë avait échoué. Et il y a la maire de Rome qui trouve irresponsable de les organiser parce qu'ils ont des problèmes de sous et qu'il y a des priorités. Alors, ils ont 13 milliards d'euros de dettes. Ah, ben voilà. Ça se plaide. Ouais. Ouais, voilà. Alors que nous, on est pété de pognon, c'est bien connu. Je ne sais pas quelle est la dette de Paris. Alexis Moncorgé, voilà, comme ça, à froid ou à chaud, je ne sais pas laquelle des deux. En tiède, ah, parce qu'on est dans le centre. C'est le centre, hein, c'est ça. Vous trouvez cette attitude aussi assez interpellante ou, de quoi les Italiens Ouais, l'idée de dire on balaye les JO. Vous êtes sensible à ça, vous, ou pas, aux Olympiques? Bah non, mais c'est cool. Enfin, ils ont raison, quoi. Non, mais si les caisses sont vides, les caisses sont vides, quoi. Je veux dire. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Quoi. Après, c'est quoi? C'est parce qu'il faut pas être. Qui va payer, en fait? Bon, d'accord, la mairie. Mais la mairie, c'est qui? C'est les impôts locaux, non? J'ai peur de dire des conneries. C'est quoi? C'est nous qui habitons dans la ville, non? Ouais. De toute façon, il y aura un peu d'argent de partout. Alors après, ils cherchent un retour sur investissement. Quand elle dit les cathédrales dans le désert et tout, moi, à la montagne, je me balade au-dessus de Villard-de-Lans, je crois. Il y a carrément des immeubles qui datent des années 60. Il y avait eu les Jeux Olympiques à Grenoble. Et vous voyez en pleine montagne. Des barres d'immeubles qui sont complètement ruinés. C'était Albertville ou pas? On dirait. C'était avant. Non, c'était encore avant. Comment on dit Jean-Claude Killy. Comme on dit beaucoup de conneries aussi, n'hésitez pas, hashtag annule-toi à nous corriger. Là, c'est saturé, là. Je crois que c'est saturé. Donc, je dis, Los Angeles, c'est le grand rival de Paris et à Budapest en outsider. Voilà. Donc, il manque Rome. Alors, si je peux me permettre, le comité olympique a promis que ça ne coûterait pas un centime aux Romains. Il est permis d'en douter. C'était la fin de cette édition. Bon. Et vous iriez au bord du stade ou au bord de la piscine olympique, Alexis Moncorgé, si c'était organisé à Paris? Pas du tout, non. Non. Voilà, c'est non, je resterais devant la télé, parce que c'est tellement génial devant la télé. Oui, déjà, j'étais là aux Jeux Olympiques de Rio. On va pas parler politique parce que c'est un autre débat sur ce qui s'est passé au Brésil, hein, mais sur l'événement purement sportif, j'ai pris mon pied à regarder les JO, clairement. Voilà. On n'a qu'à laisser Los Angeles, par exemple, ou je sais pas, les organiser. Et puis nous, on regardera. Et on a envie de vous entendre, Alexis Moncorgé, on vous donne le sketch de fin d'émission, bien évidemment. Que vous découvrez. Si vous aviez des amis, dites-leur adieu. Avec moi, je découvre. Alors, deux policiers belges ont été interpellés par leurs homologues français parce qu'à bord de leur véhicule se trouvait une dizaine de migrants. Alors, les Belges, ils reconnaissent avoir voulu en fait juste rapprocher les migrants de leur destination. Ils n'avaient pas fait exprès. On était à l'interrogatoire. Vous êtes le policier français, Charline et moi. Bah, les deux Belges, on n'a pas fait exprès, quoi. Bonjour chef. Désolé. Alors les Belges, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on sait pas, monsieur. On a voulu bien faire, monsieur. Vous voyez 10 réfugiés sur la route et vous les faites monter. Ouais, ça, d'abord, on a cru que c'était des joueurs de Pokémon Go. Hein. Ouais, puis on s'est dit que c'est des pèlerins qui marchent vers Lourdes. Et après, on s'est rapprochés, ils avaient plus la tête à aller vers la Mecque. Hein. Oui. Et puis évidemment, vous êtes rendu compte que ça n'en était pas. Bah, c'est ça, parce qu'ils marchaient pas dans le bon sens. Bah, évidemment. Et là, on s'approche et on leur pose la question habituelle. Mais oui, on s'est dit, tiens, est-ce que vous voulez boire une bière? Quoi, ils ont pas voulu? Comment vous savez? Sentiment que la bière, c'est pas leur truc. Merde, oui, c'est vrai. Merde. Quoi, merde? Bah, ils vont s'emmerder en Angleterre s'ils aiment pas la bière. Mais ils vont pas arriver en Angleterre. Ça, c'est pas sympa, parce que nous, on les emmène en France, vous pourriez les déposer en Angleterre. Racontez-moi la suite. Bon, après, on a suivi la procédure, hein. Contrôle de papier, carte d'identité, carte bleue, carte grise. Carte grise? Ils étaient à pied? C'est ça, ils n'avaient pas la carte grise. Non, ils n'avaient pas, une carte grise. Vous parlez l'arabe? Non, c'est du flamand. Ah ouais. Bon, je m'en fiche. Et là, vous les avez coffrés? Bien sûr. Et on a eu peur pour la France. Hein. Ben oui, des gens en marche, on s'est dit ça, c'est des électeurs pour Macron. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, pourquoi vous les avez emmenés en France? C'est eux qui nous ont demandé. Hein. Et Marine Le Pen a dit que la France devait être un pays d'accueil. Oui, elle a dit ça pour achever son père. En fait, chef, on a été un peu attendri. Oui, il y avait des enfants, ils chantaient du Stromae. Du Stromae? Oui, ils disaient papa outé. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Nous, on en a une, chef. Ouais. Allez-y, dites-moi. On n'irait pas boire une bière. Et comme ça, c'est le jeu du jour. Petite surprise, petit sketch à la volée, comme ça. Ça n'arrive pas souvent de découvrir comme ça, hop, le texte. D'accord. Dans une carrière de comédien, ça arrive de comme ça. Ça s'appelle des lectures à nu, et je suis assez nul dans ce genre d'exercice. Ça s'appelle des lectures à nu. Ouais. D'accord. Ouais. C'est intéressant. Ouais. À nu, oui. C'est pour ça qu'on est tous à poil en studio, mais les auditeurs ne le voient pas. Vous avez fait des castings pour Morandini. On peut voir si on est nu, parce que nous sommes sur franceinter.fr. Vous pouvez voir la radio filmée, évidemment. Et donc, tu vois tous les geps obscènes de Guillaume Meurice qui est à ma droite. Et voir le spectacle vivant d'Alexis Moncorgé. Oui. C'est bien sûr la pièce Amok qu'il a adaptée de Stéphane Zweig. C'est au théâtre de Poche du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 17h30, dans une mise en scène de Caroline Darnay. Et vous pourrez voir Alexis Moncorgé ensuite dans toute la France, car il part en tournée. Ouais, tout à fait. Et voilà. Merci. Merci beaucoup et merci à tous autour de cette table. De rien. Demain, on invitera Chantal Latsou pour passer le vendredi avec nous. Je laisse le mot de la fin à la maire de Rome qui refuse de se lancer dans la candidature pour recevoir les JO. Non, è troppo tardi. È finito. Va in malora. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. Deux heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce jeudi, dans le énervé, c'est tout ce que vous voulez. Au théâtre, avec les auteurs à succès du prénom Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. En musique, avec Thomas Dutronc. Et en deuxième partie, on se demandera pourquoi nous déteste-t-il. Intégration, immigration, exclusion, crispation identitaire. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Sur les pas de Flaubert et Diderot, un cœur simple et paradoxe sur le comédien. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Deux textes lus par Fabrice Luchini, un moment rare. Il n'est pas le personnage, il le joue. Deux CD Les Grandes Heures Radio Francina, disponible sur edition.radiofrance.fr. Et là, j'ai 5 secondes pour vous dire que dans 5 secondes, il sera 18h sur France Inter. Et bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker, bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce jeudi soir 18h15, les émeutes de Charlotte aux États-Unis et le retour de la question raciale dans la campagne présidentielle. François Durper, invité d'un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur la vie intellectuelle en France. C'est le titre d'une histoire monumentale que publient les éditions du Seuil. Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Tout de suite, le journal de Florence Paracuellos. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, une histoire belge qui tourne à l'incident diplomatique, celle de ces policiers qui ont raccompagné des migrants vers Calais avant de se faire arrêter par leur collègues français. Toujours plus de voitures à construire chez Renault et toujours moins de CDI, nouveau